compte 19 millions d'albums vendus dans le monde. Ce soir, c'est la Isla Lolita qui nous offre une nouvelle version de cet air latino. La Isla, c'est presque un anagramme de son nom. C'est Alizée, la Isla Bonita.